Je pense que je vais leur demander peut-être de faire un tic-tac, arriver, je sais pas comment l'écrire, arriver comme ça, parce que là je me chauffais en montant le mur, là au travers, tac-tac. Tic-tac, arriver pied-main. Tic-tac, arriver pied-main entre deux murs, voilà. J'ai déjà fait, mais. Ouais, mais je sais pas si tu l'avais fait là tout de suite en arrivant. Enfin, non, non, non. Vous étiez là-bas. Je suis un peu humide. Okay. Là-bas. Ok. Non, mais ça va sécher, il n'y a pas grand-chose, il reste 3 sur rien. Mais il y a sur les sauts, là. Quelques espaces d'humidité, mes chaussures sont neuves. Ouais. Okay. Là, j'aime bien, ça accroche. Je vais bosser celui-là, vite fait. Je le trouve plus dur que celui-là. On est assez pointillés sur les chaussures. C'est assez drôle de nous voir dans un magasin de sport en train de choisir nos chaussures. C'est-à-dire qu'on est là, on prend du temps, on les teste, on les plie, on les met au pied, on rebondit sur place, on fait des saltos dans les magasins. Et les gens se disent, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est, ouais, on choisit nos chaussures avec précaution. Et du coup, Xavier, tu vois, c'est des nouvelles chaussures qu'il a aujourd'hui. Donc du coup, il est en train de les tester. Il y a une... architecture qui nous appelle, qui est propice parce qu'il y a des murets, parce qu'il y a plein de différences de hauteur et que... Ouais, ici en particulier, c'est les murs vraiment qui sont intéressants. Ils ont une... ils adhèrent super bien, il y a une bonne adhérence et du coup ça accroche, ils ont une bonne forme et puis il y a des distances qui sont intéressantes. Et puis bon, en fait, ça s'appelle la cour des voltigeurs, c'est pas pour rien. Bon, on le voit comme un endroit qui est assez sympa pour s'amuser, ouais, pour s'entraîner. Fais ça, tu es où ? Tu seras débloqué. Tu sais, j'aimerais bien que ça les oblige à réfléchir un peu. Même si, tu vois, la roulade c'est con, mais ils vont la trouver vite, mais c'est ce truc. Voilà, le, comme la dernière fois, j'avais mesuré, j'avais dit un saut de presse de 7 pieds ou un saut de chapresse de 7 pieds. Mais là, j'ai juste mis la distance des mains, mais c'est juste pour dire, tu sais, c'est obligé à regarder, à toucher, à explorer quoi. Attends, faut que je cherche parce que t'es roulade là. Moi, je vois bien tout ce qu'il y a entre les petites fleurs. Ouais, il y a ceux-là. Il y a ceux-là. Et le deuxième. Ah oui, d'accord, ok. Okay. Facile. Ouais, ouais. Facile, mais on l'oublie. Ouais, mais je me suis fait mal là, tiens. Ah ouais, la première cicatrice, gare maritime, t'as la même chose, ouais, le même concept de carte, et le bassin trop haut. On s'est tous fait mal sur celle-là. Enfin, pas forcément à cet endroit-là, mais sur cette roulade au travers, un jour ou l'autre, on a tous tapé à un moment donné le dos, je pense. Obligatoire. T'as un rite de passage. Bon, bah, let's go. On prend les sacs, on va au parc, comme la dernière fois, avant qu'il ferme. Ismaël et Sofiane, tiens. On attend, chaud. On attend. David, c'est bon, je l'ai appelé à 4h du mat. Oui, je pourrais pas venir avec vous. Personnellement, moi, quand je fais un saut, bah, je juge d'abord la puissance qu'il me faut pour le faire. Mais même en y repensant chez moi le soir, il y a certains sauts, c'est vrai, sur lesquels avant de dormir, je reviens dans ma tête, je fais ouais, c'est vrai quand même que en y repensant avec le recul, c'était vachement haut, j'aurais pu tomber. Mais sur le moment, en fait, avant de sauter, bah j'ai pas cette peur. Donc au final, je pense que le danger, non, il est pas vraiment là. Parce que je pense que tant que le corps il est contrôlé, il comprend le saut qu'il va faire, bah je pense que le départ a moins de danger. Allez. Yes. Ouais. L'objectif c'est d'avoir la deuxième marche. Si vous pouvez. Allez, allez, vas-y. Yes. Ouais, vas-y, t'es chaud, t'es chaud. Oh, presque. Allez, allez, chaque fois que je fais ça, j'ai la peur qu'il remonte. Bah, arrête, vide-toi la tête, vraiment. Il n'y a que ça qui marche. À force de bouger comme ça, tu finis par voir toutes les choses du quotidien comme des toboggans ou... Je vais pas être mon gratteur, j'allais faire. Tout est un jeu, une marche un peu trop haute, tout, même le sol, quand il n'y a rien, tout est un jeu quoi. Par exemple, moi, des fois, je vais au lycée, bah, je vois un trottoir, bah, je peux faire un petit saut, n'importe quoi. Ça veut pas dire que, qu'on est des... on peut aussi marcher dans la rue, dans le sens où c'est pas parce qu'on fait du parcours que tout de suite, quand dans la vie, on court tout le temps, on grimpe sur les toits tout le temps. Il y a des personnes qui pensent que notre vie entière se résume à sauter de toit en toit. Tu fais comme les Yamakasi, tu voles des gens, tu voles des maisons, tu sautes de toit en toit. Dans la vie, tu roules partout. Non. Passe une oreille, je monte et j'utilise le poteau et Il faut passer à droite direct pour se balancer après. Il sortir. Et tout de suite roulade en fait. Là où il est ? C'est presque roulade et après je grimpe en fait. Tout de suite là tu vois la branche ? Ouais. On balance sur la hauteur. D'accord. Il faut que je me suis dit ça il y a pas longtemps en fait en marchant dans la rue. Et en fait j'ai passé par-dessus une barrière sans me rendre compte en fait. Et du coup je me suis rendu compte en fait que c'était une barrière. Tu sais, je me suis dit, ah oui, en fait c'est une barrière. Cette barrière elle est là en fait pour que les gens passent pas. Parce que c'est pour pas qu'ils se fassent mal si elle est là. Et nous en fait, ça fait très longtemps qu'on parle plus du mot barrière comme étant quelque chose. La barrière c'est un obstacle, c'est un mur. C'est quelque chose qui est censé être infranchissable. Et nous, c'est justement par là qu'on va passer. Et c'est en y repensant que je me suis dit qu'en fait, les endroits où on est censé pas passer, bah nous c'est par là qu'on passe. Et avec du recul, je trouve ça assez intéressant en fait de se dire que nous, notre chemin au final, c'est les obstacles. Ok, les gars, on se réunit rapidement. La roulade plongée à travers un obstacle. Il y en a pas mal qui l'ont fait là-bas. Ouais, excellent. Vrai. Si, ça passe. Il y a un cadre. Il y a un cadre et vous passez au travers. Donc vous passez au travers. J'en pensais à deux autres. Il y en a une que vous avez peut-être vu faire, mais qu'on a essayé, qui est vraiment hardcore, qui est vraiment serré. Ouais. Et l'autre qui était beaucoup plus accessible que la première que j'avais en tête, mais je crois que j'ai vu personne la faire, c'était au niveau du panneau publicitaire là. Ah et ouais, en dessous du panneau, il y a un rond et un gros trou plongé à l'intérieur. Ok. Je sais pas, j'aime bien être libre de mes mouvements c'est un peu un échappatoire en fait. Quand je suis au parcours et que je commence à faire des mouvements, je me sens, je sais pas, j'ai l'impression de voler en fait. Quand je suis en l'air, je suis bien quoi. Il y a plus rien, il y a juste le muret en face de moi et puis c'est tout. Ça peut être à peine 2 secondes, mais ces 2 secondes, c'est de très longues secondes. On réfléchit tout le temps, on pense tout le temps, tout le monde est dans le stress, tout le monde est pressé. Et là, on prend son temps, on se concentre. Et puis c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau, de juste plus penser à rien et prendre son temps. Bon allez, encore 30 secondes et on court. C'est pas trop court pour 200 mètres. Si. Yes. Ok, on trottine les gars. Ouais, on trottine, rien à voir. Ouais, vas-y.